بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va terminer ce poème très profitable, As-sayru ila Allah wa ad-dari al-akhirah. Le cheminement vers Allah et la demeure finale. Comme on a dit précédemment, l'auteur dans ce poème, il nous montre le cheminement à mener pour être heureux, faire partie des bienheureux dans la demeure finale. Quelles sont les différentes étapes que nous devons suivre et quelles sont les différentes stations dans lesquelles nous devons nous arrêter et desquelles nous devons profiter afin que nous puissions réussir ce cheminement. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, « Abadul ilaha ala a'tiqadi hudurihi, fatabarra'u fi manazil al-ihsani. » Ils ont adoré El-Ilah. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc les bienheureux, ils ont adoré El-Ilah. El-Ilah, celui qui mérite d'être adoré. El-Ilah, la divinité, le Dieu. Ils l'ont adoré en ayant la certitude de sa présence. En ayant la certitude de sa présence. Et ils se sont alors dirigés vers les stations de la bienfaisance. Mashallah. Ils ont adoré Allah en ayant la certitude de sa présence. Est-ce que Allah il est présent avec nous? Hein? On avait dit qu'il était présent par... Par sa science, barakallahu fik. Et donc Allah il est partout par sa science. Mais sinon, de son être ou de son essence, Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus des cieux. Et donc ces gens-là, les bienheureux, ils ont adoré Allah tabaraka wa ta'ala en ayant la certitude qu'il soit présent. Ils se sont donc dirigés vers les demeures, les stations de la bienfaisance. Ce qui est voulu ici par la bienfaisance, c'est le plus haut degré que nous avons dans notre religion. El-Ihsan. Rappelez-vous le hadith quand Jibril est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'islam. Mel-Islam. Le prophète a cité les piliers de l'islam. Mel-Iman. Les piliers de la foi. Et ensuite le dernier degré, El-Ihsan. La bienfaisance, c'est la maîtrise. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué cette bienfaisance. Qu'est-ce que c'est? An ta'budallaha ka'annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, alors lui, il te voit. Et donc, tu adores Allah, tabaraka wa ta'ala, avec la certitude qu'il te voit. Et qu'il sait pertinemment tout ce que tu fais. Et donc, tu le fais bien. Souvent, je cite l'exemple de l'employé et de l'employeur. Parfois, dans certains magasins, tu mets un employé... Tu lui dis, il faut que tu fasses ça, ça, ça, ça, ça. Ça, moi, écoute. Et tu pars. Il va travailler d'une certaine façon. Tu reviens, l'employé, il sait que tu es là. Là, il va travailler d'une autre façon. Il est beaucoup plus sérieux. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu le regardes. Si maintenant, tu mets une fausse caméra, toute la journée, il pense que tu le regardes. Il travaille bien toute la journée. Parce qu'on a besoin de l'ihsan. On a besoin de l'ihsan, la maîtrise. Et c'est important que cela, on le fasse dans tous nos actes. Tout ce que tu fais. Et c'est pour cela, barakallahu fikoum, beaucoup vont tomber dans des péchés par rapport à cela. C'est bon, personne ne me voit. Personne ne me voit. Pourtant, on oublie que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous voit tout le temps. Le fils avec son père lui dit « Attention, ne fais pas ça. Tant que je ne suis pas rentré, je ne veux pas que tu fasses ça, ça, ça, ça, ça. » Le père, il est parti. Allez, hop. Il n'y a personne dans la maison. Il n'y a personne. Tout ça, donc, il faut qu'on comprenne l'importance de ce degré qui fait que ta pratique religieuse va être la même que tu sois seul ou accompagné. Que tu sois dans la mosquée ou dans ta chambre. Ta pratique religieuse va être la même. Pourquoi ? Parce qu'à tout instant, tu te rappelles qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il te voit. Et ça, c'est une des caractéristiques des bienheureux. Allah tabaraka wa ta'ala, ou du moins le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle de taqwa et qui nous dit ittaqillaha haythu ma kunt. Crains Allah où que tu sois. Tu dois craindre Allah tabaraka wa ta'ala où que tu sois. Et ça, c'est un sujet très important. Je profite parce que il y a des jeunes qui sont peut-être mariés ou qui vont se marier un jour. C'est important, barakallahu fikoum, que dans le couple, on comprenne ce point-là, taqwa. Que tu craignes Allah où que tu sois. Que tu sois à la maison, que tu sois en dehors de la maison. Que tu sois avec ton épouse, que tu sois seul. Il faut que tu craignes Allah. Certains, lorsque l'épouse n'est plus là, ou certaines épouses, lorsque l'époux n'est plus là, on va se permettre de faire certaines choses. De toute façon, elle n'est pas là. Mais ce n'est pas ton épouse que tu dois craindre. Et elle, ce n'est pas son époux qu'elle doit craindre, mais elle doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Nous devons avoir l'ihsan. Nous rappeler tout le temps qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous voit. Et ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. Ils ont conseillé, le terme nasaha, il va être utilisé pour le conseil et il va être utilisé aussi pour la sincérité, le fait d'être sincère. Et donc ils ont conseillé, ils ont été sincères envers les hommes. Les hommes avec un grand H, hommes et femmes, envers tout le monde. Ils les ont conseillés, ont été sincères envers eux, en recherchant la satisfaction de leur Seigneur, de celui qu'ils aiment. Bil ilmi, avec la science, les bonnes orientations, et la bienfaisance. Et donc ici, il y a un point très important, barakallahu fikoum, c'est que ces gens-là, ils disent la vérité et ils sont sincères envers les autres. Parce qu'ils pensent à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ad-dinu an-nasiha » La religion n'est que la sincérité. Toute la religion, ce qui est voulu par Ad-Din ou Al-Nasiha, pour ceux qui ont étudié l'arabe, on a déjà vu Al-Mubtada, Al-Khabar. Sahih ? La phrase nominale, Mubtada, Khabar. Muhammadun, Maridun. On ne va pas prendre l'exemple avec Muhammad. Ou alors non, on garde l'exemple avec Mohammed. Et donc Mohammed, maridun. On a vu que le khabar, il est marfou' et il est normalement nakira. Nakira, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, nakira? Hein? Il n'est pas défini. Il n'est pas défini. Et donc, il n'a pas alif ou alaf. Il est indéfini. Il n'a pas de alif ou alaf. Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait une phrase nominale et il dit « Ad-dinu an-nasihatu ». Et dans sa phrase nominale, le khabar, il est défini. Il a un alif ou alaf. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tout simplement, les savants, ils nous disent ce qui est voulu. Lorsque le khabar prend un alif ou alam, ça nous montre ce qu'on appelle dans la langue arabe el hasru, la spécificité. C'est-à-dire, le sens de cette phrase, c'est meddinu illa nasiha. La religion n'est que la sincérité. Toute la religion, c'est la sincérité. Toute la religion, il faut que tu sois sincère. Il faut que tu sois nasir. Alors les compagnons, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont dit, liman ya Rasulallah. Sincère envers qui, ô messager d'Allah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Que tu sois sincère envers Allah, son livre, envers son prophète, envers les imams des musulmans et envers la masse des musulmans. Il faut que tu sois sincère. Tu dis aux gens la vérité. Tu ne dis pas aux gens ce qu'ils veulent entendre. Tu dis aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. C'est ça quelqu'un qui est sincère. C'est ça être sincère. Tu ne veux pas avoir un ami qui est là, il te voit faire plein de mauvaises choses et il ne te dit rien du tout. Ton ami, c'est celui qui va venir te voir et qui va te dire « Ahri, viens là, viens. Faut que je te parle. Ça ne va pas là. Là, tu as fait ci, tu as fait ça, c'est pas correct. » Ça, c'est un ami. Ça, c'est quelqu'un qui te veut ton bien. Mais aujourd'hui, « La ilaha illallah ». Aujourd'hui, celui qui va montrer, qui va faire preuve de sincérité et d'amour envers les gens, on le prend pour un diable. On le diabolise. Pourquoi? Parce que les gens, ils aiment entendre « Tu as bien fait, tu es le meilleur, c'est bien, continue comme ça. » On aime entendre les compliments. Mais on n'aime pas qu'on nous montre nos défauts. Pourtant, il le dit, sallallahu alayhi wa sallam, « El mu'minu mir'atu akhi. » Le croyant est le miroir de son frère. Quand il vient devant toi, il doit voir ses défauts. Tu dois lui montrer. Tu dis, « Akhi, ya ça, ça ne va pas. » Et ya ça, « Jazakallah khair. » Ça, c'est bon, mashallah. Allez, on continue. Il y en a, ils sont forts dans ce domaine, dans le foot. Quand on joue au foot, « Yahri, cette passe-là, elle n'est pas bonne. Celle-là, elle est bien. Celle-là, ça, c'est pas bon. » Non, comme ça, ah, continue comme ça. Là, ça, c'est pas bon. Dans le sport, mashallah, on est tous des miroirs. On veut gagner le match. On veut gagner le match. Et donc, si on veut gagner, il faut qu'on soit un bon miroir. Sinon, mon coéquipier, il va me faire perdre. Alors, je veux gagner le match. Dans le din, on veut pas réussir dans le din. On veut pas. Et donc, c'est important, barakallahu fikoum, qu'on comprenne l'importance de cet acte d'adoration. Le fait d'être sincère envers les croyants. Être sincère envers tout le monde. Le fait de dire aux gens la vérité. Quand tout va bien, quand ça va bien et quand ça ne va pas bien. Il faut le dire parce que tu veux le bien de ton frère. Voilà pourquoi Ibn Taymiyyah tarahimahullah, dans plusieurs de ses écrits, il cite comment les savants, ils aiment les gens. Il dit, les savants, ils aiment les gens. Ils leur veulent leur bien. Voilà pourquoi les savants, ils montrent aux gens les choses qui ne vont pas. Mais les gens, comme ils ne remercient pas les savants, ils ne voient pas le bien que les savants font pour eux. Ils pensent que ce ne sont que des critiques futiles et inutiles. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on comprenne cela dans notre religion, si on veut avancer. Si on veut vraiment avancer, il faut qu'on soit sincère et qu'on conseille le bien. Il nous dit l'auteur, rahimahullah, mais cette sincérité, ces conseils que tu vas faire pour que les gens avancent et pour qu'on avance tous, ce n'est pas en te basant sur tes opinions. Il nous dit bil ilmi wal irshadi wal ihsan, avec la science. Avec la science, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit à son prophète: fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Sache que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et implore le pardon pour tes péchés. L'imam al-Bukhari rahimahullah, il a utilisé ce verset dans un de ses chapitres pour dire que Allah tabaraka wa ta'ala a commencé avec la science avant les œuvres. Sache, puis agis. Et donc tu dois connaître avant d'agir. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu dois connaître avant d'agir. Et c'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous dit: wa dhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Et rappelez-vous d'Allah, faites le rappel d'Allah de la même façon qu'il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Et donc tu ne fais pas le rappel d'Allah n'importe comment. Tu veux faire de la da'wah, tu veux aider les gens, tu veux faire le rappel d'Allah, tu ne fais pas n'importe comment. Tu dois d'abord apprendre afin de le faire comme Allah t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et donc, bil ilmi wal irshadi, donc tu dois conseiller, nous devons orienter les gens vers le bien. Wal ihsani. El ihsan, ici on a encore le terme el ihsan. Et donc on fait la différence entre el ihsan ma'a Allah, donc le degré de la bienfaisance dans la religion, comme on a vu tout à l'heure, le fait d'adorer Allah comme si on le voit. Et si on ne le voit pas, alors on sait que lui, il nous voit. Et donc ça, c'est le degré, l'ihsan, avec Allah tabaraka wa ta'ala. Mais maintenant, on a l'ihsan avec les créatures d'Allah. L'ihsan avec les créatures d'Allah, c'est le fait de tout mettre en œuvre pour le bien des créatures d'Allah. Tout mettre en œuvre. Ça implique que tu dépenses de ton argent, de tes efforts, de ton temps, que tu te fatigues, que tu souris à tes frères. Tu ne peux pas conseiller les gens comme ça et être tout le temps fâché. Yahri, frère, fais ci. Non. Les gens, ils ont besoin de voir un sourire. Ils ont besoin de douceur. Et parfois de dureté. Il faut que tu joues avec ça. Parfois la douceur, parfois la dureté, ainsi de suite. C'est ça l'ihsan envers les créatures d'Allah. Tu mets tout en œuvre pour les aider. Tu donnes ta vie en fait. Tu donnes ta vie, tout ton temps, tu fais tout ce que tu peux. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est pas facile. Mais si nous arrivons à nous efforcer pour faire de notre mieux, afin que nous avancions tous ensemble, on peut déplacer des montagnes. On peut déplacer des montagnes. Mais il faut le faire. Il faut commencer. Et ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, Sahibul khala'iqa bil jusumi wa innama. Arwahuhum fi manazilin fawqani. Allahu Akbar. Masha'Allah. Ils ont fréquenté, les créatures avec leur corps. Biljusumi. Avec leur corps. Mais par contre, leurs âmes sont dans des demeures au-dessus. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont là, ils sont avec les gens. Ils sont là, ils sont avec eux. Mais leurs âmes et leurs pensées, ils sont en train de penser à l'au-delà. Tout ce qu'ils font, ce n'est pas pour les gens. Ils ne font pas ça pour que les gens leur disent « Jazakallah, frère, mashallah, on t'aime bien, achallah ». Non, eux, ils font ça, ils veulent l'au-delà. Ils ne veulent pas ce qui est là, ils ne veulent pas ça. Ils veulent l'au-delà, ils vont tout donner pour ça. Leurs âmes, leurs pensées, leur esprit, tout cela est dans l'au-delà. Ils y pensent tout le temps. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a été combien de fois en prison? Combien de fois? 8 fois en prison. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, 8 fois en prison, et il dit: Maza yaf'alu bi a'da'i ma anna jannati fi sadri. Il dit: qu'est-ce que mes ennemis peuvent faire de moi alors que mon paradis, il est dans ma poitrine? Parce que son esprit, il est loin. Son esprit, il est loin. Il est là en prison, en train de penser à l'au-delà, en train de penser à ses récompenses. Et donc ses ennemis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de lui? Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien. Il est ici-bas, son corps est là avec nous. Mais son esprit, il est ailleurs. Il faut qu'on arrive à délaisser cette dunya. Il faut qu'on arrive à délaisser cette dunya, à lâcher ce bas monde, à lâcher ses délices, etc. Et qu'on arrive à nous concentrer sur le plus important, l'au-delà, l'éternité. Sois un bon commerçant. Arrête de te concentrer sur un commerce qui va s'arrêter dans pas longtemps. Il se peut que tu arrives jusqu'à 100 ans, il se peut que tu n'arrives vraiment pas à 100 ans, il se peut que demain tu n'es plus là, on prie sur toi demain, Allahu alam, ou que vous priez sur moi demain ou ce soir même, Allahu alam, on ne sait pas. Pourquoi je vais me fatiguer pour ça? Je me concentre sur l'au-delà, c'est l'éternité ça. C'est l'éternité. Et donc ils ont été sincères envers les gens. Et ce qui les a aidés à être sincères, c'est le fait qu'ils pensaient à l'au-delà. Si tu penses à la dunya, tu ne vas pas réussir. Parce que ça demande du courage. Hein? Le fait de dire aux gens, ah ça c'est pas bien. Et que tu sais que la personne, quand tu vas lui dire, ah ça c'est pas bien, elle va mal le prendre. Il se peut que tu aies des problèmes. Tu le sais d'avance. Alors il faut que tu aies du courage. Ton courage, tu le prends où? Il faut que tu penses à Allah. Si tu penses à ton confort ici-bas, tranquille, la chaise, mashallah, mon salaire tous les mois, etc., tu ne vas rien faire du tout. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, d'ailleurs, excusez-moi, il y a un point, subhanallah, leurs esprits sont ailleurs, ils sont dans l'au-delà. Et ça, barakallahu fikoum, Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous cite un exemple. Il nous dit, Elam tara kayfa daraba Allah mathalan. Vois-tu comme Allah tabaraka wa kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba. Vois-tu comment Allah tabaraka wa ta'ala a montré un exemple, une parabole. Quelle est cette parabole? Kalimatan tayyiba. Quelle est cette parole? La ilaha illallah. La ilaha illallah. C'est la parole de la foi, de l'iman. Kalimatan tayyiba. Asluha thabitun. Ses racines sont fermes, fermement enracinées. Elle ne bouge pas. Et les tempêtes qui passent, etc. Elle ne bouge pas. Asluha thabit, far'uha fi samaa. Et ses branches sont dans le ciel. Il faut qu'on soit comme cet arbre. Ferme sur notre religion, ferme sur la vérité. On est ici-bas et nos branches sont dans le ciel. Et que tu penses à l'au-delà, Tu es ici-bas avec les gens, mais tu penses à l'au-delà. Tout ce que tu le fais pour l'au-delà. Et d'ailleurs, l'exemple de cet arbre, on va donc continuer à le voir par la suite. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, « Azaful kuloub ani shawari li kulliha » Et donc ces gens-là, ils ont fait en sorte que leur cœur soit, délaisse toute occupation. Tout ce qui peut les éloigner d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils l'ont délaissé. Ils l'ont délaissé. Ça m'éloigne d'Allah, je le délaisse. Allez. Même son travail avec lequel il gagne son argent, il fait en sorte que c'est un travail qui le rapproche d'Allah. Que tu fasses du commerce, etc., etc., tu fais en sorte que ton travail te rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, ils ont délaissé toutes les occupations qui éloignent leur cœur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum. Leur déplacement, leur, tout ce qui est important pour eux et toutes les décisions qu'ils prennent, lillahi la lil khalqi wa shaytan, tout ce qu'ils font sont pour Allah, ce n'est pas pour les créatures ni pour le diable. Ici l'auteur il nous montre le lien entre les créatures et le diable, parce que si tu fais quelque chose pour les gens, tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Ce qui me fait le plus peur vous concernant, c'est ar-riya ash-shirkul asghar. L'ostentation, que tu fasses les choses pour les gens, pour que les gens fassent tes éloges, pour que les gens t'aiment bien, etc. Fais les choses pour Allah. Voilà comment ils sont les bienheureux. Ils ne recherchent pas la satisfaction des gens ou le fait que les gens les aiment. Ce n'est pas ça qui les préoccupe. Tout ce qui les préoccupe, c'est le fait de chercher la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait de chercher la satisfaction d'Allah. Et ça, c'est la base dans la religion. Si tu n'as pas compris cela, tu n'as pas compris l'islam. C'est la base dans la religion. Tout ce qu'on fait, c'est pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Ma vie, ma mort, mes rites, tout ce que je fais, c'est pour Allah. Et ça, c'est très important. Et ensuite, il cite le dernier. Il cite le dernier donc vers de ce poème. Et il nous dit نعم الرفيق لطالب سبل السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان نعم الرفيق quel bon compagnon pour celui qui cherche à emprunter les voies qui mènent au bien et à la bienfaisance. Et donc, toi, tu dois rechercher, tu dois faire attention au compagnon que tu as. Car ton compagnon, soit il va t'aider à avancer vers les voies du bien, soit il va te tirer vers le mal. Mais fais très attention quand tu choisis ce compagnon. Ne choisis pas celui qui est tout le temps à te dire tu es bien, tu es beau, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce n'est pas lui le bon compagnon. Le bon compagnon, c'est celui qui va être sincère avec toi, celui qui va te montrer tes défauts comme il te montre tes qualités. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre l'importance de choisir nos fréquentations. Il nous dit « El mar'u ala dini khalili » L'individu à la religion de celui qu'il fréquente. Il nous dit Methalu el Jalis Sao ou Methalu el Jalis Salih. L'exemple de la mauvaise fréquentation et l'exemple de la bonne fréquentation est comme l'exemple du vendeur de parfum et l'exemple du forgeron. Le vendeur de parfum, quand tu le vois ou quand tu le fréquentes, c'est soit il te vend du parfum, soit il t'en donne, soit quand tu pars de chez lui avec une bonne odeur dans tous les cas. Mais le forgeron, lorsque tu vas aller chez lui, qu'est-ce qui va se passer? Soit il te brûle tes vêtements, soit tu vas partir avec une mauvaise odeur qui ne va pas te lâcher. Et donc il faut qu'on fasse attention à nos fréquentations. On doit faire attention à cela. Aujourd'hui, tu sais très bien que tu ne vas pas fréquenter Walikum Salam, tu ne vas pas fréquenter un dealer, un tueur, etc. Parce que ça peut t'amener des problèmes. Mais il faut que tu penses à ta religion aussi. Il faut que tu fasses la même chose dans ta religion, celui qui t'aide à faire le bien. Celui qui t'incite à venir à la mosquée. Celui qui t'incite à faire des actes d'adoration. Celui qui t'incite à apprendre. Parce qu'il faut apprendre. On ne peut pas rester toute notre vie dans l'ignorance. Celui qui t'incite à avancer. Et donc faites attention à choisir vos fréquentations. Car si tu veux donc cheminer vers Allah tabaraka wa ta'ala, sache que tu es faible. Nous sommes faibles. Tout seul, c'est très difficile. Et donc nous avons besoin de nos frères pour nous aider mutuellement. Le jour où tu faiblis, ton frère vient. Le jour où c'est lui qui faiblit, toi tu viens, tu dis à ton frère, viens. Tu ne l'as pas vu au Fajr, tu vas le chercher. Et akhi, tu n'étais pas au Fajr. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, que chacun d'entre nous, on s'entraide. Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa » Entraidez-vous dans la piété et la crainte d'Allah. Parfois, on arrive à s'entraider dans le commerce. « Oui, j'ai un bon plan, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci. » Dans la religion, il faut... La religion mérite encore plus qu'on s'entraide pour sa cause. Et donc voilà pour ce... En ce qui concerne ce poème, je ne vais pas faire plus long que ça. Inch'Allah ta'ala, on a fini le poème. Soyez qu'Allah Azzawajal nous accorde la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanak, Allah, bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakum wa khair.